Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1848, les sœurs Fox et l'invention du spiritisme. Cette histoire commence dans une pauvre maison en bois à Hydesville, un hameau perdu de la région des lacs aux États-Unis. C'est dans cette petite ferme que vivent Monsieur et Madame Fox et leurs enfants, une famille de méthodistes américains en apparence ordinaire. Mais une nuit de mars 1848, Kate et Maggie, les deux filles, âgées de 14 et 11 ans, sont réveillées par des bruits dans la maison, des coups sans origine apparente qui vont se reproduire toutes les nuits. Et si ces coups étaient des appels de l'au-delà ? Car tout le village le sait, cette maison est hantée. Effrayées, les jeunes filles sont en même temps ravies. Enfin, il se passe quelque chose à Hydesville. On aurait pu en rester là, une banale histoire de fantômes et de maisons hantées qu'on se raconte pour se faire peur le soir au coin du feu dans les campagnes américaines et ailleurs. Mais celle des sœurs Fox va prendre une ampleur inattendue et totalement inédite. Kate et Maggie, bientôt rejointes par leur grande sœur Lee, vont devenir des médiums de l'au-delà et inventer un véritable phénomène de société qui séduira des millions d'adeptes aux États-Unis et dans le monde, le spiritisme. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Guillaume Cuchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste de l'histoire des religions. Est-ce que l'histoire des sœurs Fox est bien connue aux États-Unis encore aujourd'hui ? On en parle beaucoup. Est-ce qu'elle est connue très précisément ? Le problème, c'est qu'on manque un peu de sources pour savoir les choses très en détail, mais on en a quelques-unes et on les glose, on les commente très longuement. Donc ça reste des figures connues de l'histoire américaine du 19e siècle. Des histoires de fantômes et de maisons hantées, il y en a toujours eu, surtout dans le monde celte et anglo-saxon. Pour quelles raisons d'ailleurs ? Parce que ça fait partie des difficultés du travail du deuil. On sait bien depuis Freud qu'on est hanté par ce qu'on a connu, au moins psychologiquement, et donc ça peut aller jusqu'à des phénomènes de fantômes. Donc ça, je dirais, toutes les cultures, toutes les civilisations connaissent les fantômes, même si elles leur donnent des visages, des identités un petit peu différentes. Alors ce que les sœurs Fox vont apporter de nouveau, c'est qu'elles se mettent à communiquer avec les morts. Est-ce que ça ne se faisait pas du tout avant, de parler aux morts ? Si, là encore, c'est des choses très anciennes. Dans la Bible, par exemple, il y a un passage célèbre de l'Ancien Testament où on essaie de communiquer avec les morts à travers une espèce de sorcière qu'on appelle la pythonisse d'Endor, et la Bible précise bien que c'est très interdit, qu'il faut surtout pas tâcher de communiquer avec les morts. Donc, de communiquer avec ce qu'on a perdu, c'est un vieux désir de l'humanité, et c'est pas ça qui est spécifique au 19e siècle. Alors, l'histoire des sœurs Fox se passe aux États-Unis et débute en 1848. C'est encore quoi ? C'est l'époque des conquêtes de l'Ouest, c'est encore les guerres indiennes, c'est tout ça ? Les États-Unis à cette époque-là ? Alors, c'est effectivement un continent qui est en train de se peupler, de se remplir d'Européens en particulier, qui partent par centaines de milliers tous les ans d'Allemagne, de Scandinavie, de Grande-Bretagne, de France aussi un petit peu. Et donc, ce grand pays qui était un petit peu vide de population se remplit à ce moment-là. Et les sœurs Fox, d'ailleurs, sont originaires d'Allemagne. Enfin, c'est une famille qui vient d'Allemagne, même si c'est déjà une deuxième génération d'Américains. Donc, c'est à la fois un grand moment d'immigration de masse, et puis c'est aussi un moment effectivement où la frontière, c'est-à-dire la zone, ce qu'on appelle la frontière dans la culture américaine, c'est-à-dire la limite du monde civilisé en quelque sorte, ou considéré comme civilisé, se déplace. Et là, on va voir que notre affaire, ça se passe plutôt au nord-est des États-Unis, dans l'État de New York, qui était la frontière il y a peu de temps encore, mais qui a cessé de l'être. On est dans une espèce de moment intermédiaire où il y a un phénomène d'installation durable qui se produit. C'est plus tout à fait la frontière, mais ça reste des sociétés très mobiles, des sociétés où les gens bougent beaucoup, viennent d'un peu partout, culturellement très mélangés. Avec des religions aussi assez différentes. Avec à la fois un protestantisme très vif, très vigoureux, qui est en train de connaître une période de renouveau, ce qu'on appelle des revivals dans le protestantisme américain. Périodiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Périodiquement, il y a des vagues de religiosité très intenses qui s'emparent du pays et ils sont en plein dedans. Ils sont en train d'en connaître un. Et en même temps, à côté de ces protestants très pieux et très fervents, vous avez beaucoup d'hétérodoxies religieuses, de croyances nouvelles qui émergent. on le verra, mais au même moment sont nés à peu près au même endroit les Mormons, par exemple, en 1830. Donc il y a vraiment une sorte d'effervescence religieuse, orthodoxe et hétérodoxe dans les États-Unis de l'époque. Et surtout dans cette région qui s'appelle, enfin qu'on surnomme le Burnt Over District, hein, cette région-là. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire, Burnt Ça Over veut District ? Dire une région qui a été brûlée par l'esprit. Précisément. Wow. Alors c'est l'expression d'époque, c'est un évangéliste de l'époque très célèbre, qui s'appelait Charles Finney, qui l'avait employé, et puis ça a été repris par des historiens américains au XXe siècle. Et c'est effectivement cette zone de l'État de New York, le nord-ouest de l'État de New York, qui est une zone où les revivals évangéliques sont très puissants et où toute une série de mouvements religieux hétérodoxes sont en train de naître. J'évoquais les Mormons tout à l'heure, il y avait des sectes plus anciennes, les Shakers, donc il y a vraiment un écosystème religieux là, qui est l'épicentre un peu des innovations religieuses états-uniennes à l'époque. Et un ferment éventuel pour créer le spiritisme. Voilà, en tout cas, un bon lieu, un bon laboratoire pour voir émerger un mouvement de ce genre. C'est pas un hasard que ça démarre là, quoi. Eh bien, Guillaume Cuchet, je propose qu'on continue cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, 1848, les Sœurs Fox et l'invention du spiritisme, un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Christophe Hoquet. J'arrive pas à dormir. Il fait trop noir ici. Et ce silence... On n'entend rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? Je déteste la campagne. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que papa et maman nous fassent déménager ? On était mieux à la ville. On avait des copains au moins. Puis il faisait pas tout le temps froid comme ici. Ça sent le moisi. J'ai même pas ma chambre. Je suis obligée de tout partager avec Kate. Moi, j'aimais bien la ville. J'aime quand il y a du bruit, des cafés, des gens dans les rues. Pas cette pluie. Bon, je voudrais retourner à Rochester. Kate ! Kate, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'entends, Kate ? Tu dors ou quoi ? J'ai entendu quelque chose tomber. T'as rien entendu ? Comme un coup sur le plafond ou par terre. C'est pas la chaise. Oh, c'est quoi ? Ça, Kate ? Allume un peu la bougie. Kate ! Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as entendu ou pas ? Ce bruit ? Quel bruit ? Comme un coup, t'as pas entendu ? Je dormais. Tu dormais pas, Kate ? Je t'ai vu, tu avais les yeux ouverts. J'ai rien entendu. Je dormais, je te dis. Il y a eu un bruit, comme si quelque chose était tombé. Ok. Je peux m'endormir maintenant. Ok, désolée. Dors bien. Kate ! Quoi ? Ça m'a fait vraiment peur, tu sais. Le bruit ? Tu sais qu'on dit qu'elle est hantée, cette maison ? T'inquiète, je suis là. Dors bien, Cathy. Mars 1848, à Hightsville, dans l'État de New York, aux États-Unis. Cela ne fait que 3 mois que la famille Fox s'est installée dans ce petit hameau rural où quelques fermes se dressent au milieu des champs de menthe poivrée. L'hiver, exceptionnellement froid cette année-là, commence à laisser la place au printemps. Les deux jeunes sœurs, Maggie, 14 ans, et Kate, 11 ans, ont passé de nombreuses journées enfermées à la maison avec leurs deux parents, Margaret et John Fox, un forgeron. Ce couple de méthodistes d'une cinquantaine d'années, décrits comme sobres et respectables par leurs voisins, ont déjà 6 enfants et ont connu de nombreux revers de fortune. Ils tentent à Hightsville de s'établir encore une fois et font construire leur future maison, en espérant que ce sera la dernière. En attendant, ils ont loué cette petite baraque de planches que certains voisins considèrent comme hantée. Ils ne se doutent pas que leurs deux dernières filles, qu'ils considèrent encore comme des enfants, vont être à l'origine d'un phénomène d'une ampleur inouïe et même fonder une nouvelle religion. Allez, dépêchez-vous de manger, j'ai besoin de vous ensuite pour aller laver les bras. Non, non. Oui, papa. Il est parti à l'église, tu sais bien. Encore? Pourquoi encore? Comme tous les jours, ton père est très croyant, tu devrais être fière. Ouais. Ferme ta bouche quand tu manges. Allez, dépêchez-vous un peu. Vous croyez qu'on a le temps de traîner? Il y a linge, la couture. Et toi, Kate, tu dois aller à ta leçon tout à l'heure. Kate? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Rien du tout. Mais si, idiote, je t'ai vu. Tu dormais pas, t'étais bizarre. Mais parle pour toi, pas plus bizarre que toi. Tu grognes et tu t'agites toute la nuit. Pas étonnant que j'arrive pas à dormir. Ah, mais si. Mais t'as pas entendu le bruit? T'as un problème avec les bruits, toi. Kate! Hey, Maggie, la folle! Les coups Maggie au plafond. A peur des bruits. T'as entendu les coups au plafond? Maggie a peur de la campagne, a peur des fantômes. Pff, n'importe quoi. En fait, tu veux parler de Monsieur Splitfoot? Monsieur Splitfoot, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est comme ça que je l'ai appelé. T'es vraiment bizarre, toi. Ma sœur me fait peur parfois. Il y a des jours où elle est très intelligente et d'autres où elle est complètement stupide. Elle se moque de moi, mais elle non plus, la campagne, c'est pas son truc. En ville, elle pourrait aller dans une meilleure école. Mais pour ça, il faudrait que papa s'intéresse un peu plus à nous et un peu moins à la religion. Et c'est pas maman qui va s'en rendre compte que Kate devient de plus en plus bizarre. Je l'aime beaucoup, maman, mais c'est pas une lumière. Les nuits suivantes, les mystérieux coups réapparaissent et perturbent cette fois le sommeil de Monsieur et Madame Fox. Margaret, la mère, une femme superstitieuse, avait entendu dire que la maison était hantée. Aux premières manifestations étranges, elle panique. Ses deux filles, elles, semblent plutôt s'amuser de la situation. Pendant plusieurs jours, la famille enchaîne les nuits blanches, au rythme de l'effroi de Margaret. Puis le 31 mars 1848, à bout de force, la mère de famille demande à tout le monde d'aller se coucher de bonne heure, avec ordre de ne pas réagir au bruit, quel qu'il soit. Dès que tout le monde est au lit ce soir-là, les coups se font entendre, plus déchaînés que jamais. Sur les murs, les portes, au plafond, ils semblent prêts à démolir la maison. Vous allez bien ? Vous entendez ces bruits ? Oui, bien sûr, maman. Monsieur Splitfoot, répondez-moi. Monsieur Splitfoot. Kate, qu'est-ce que tu fais ? À qui tu parles ? Répondez-moi. Kate ? Monsieur Splitfoot. Maggie, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur ? Donnez-moi. Elle est sourde ? Je sais pas, ça la met dans un drôle d'état. Elle pense qu'elle peut communiquer avec les bruits. Répondez-moi. Faites comme moi. Monsieur Splitfoot, répondez-moi. Non mais t'es pas bien, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça tout de suite ! Kate ! Oh, mais maman ! Tu parles avec les bruits, maintenant. Mais si c'était le diable ? Maman, attends. Écoute. Compte trois coups. Mon Dieu. Compte quatre coups. Toby ? C'est moi. C'est moi qui ai trouvé. Monsieur Splitfoot compte l'âge de Maggie. Quatorze. Et compte l'âge de Kate. Onze. L'esprit nous connaît bien. Alors ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Compte cinq coups, compte dix coups. Extraordinaire. Maman, demain c'est le 1er avril. Peut-être que quelqu'un est en train de nous faire un poisson d'avril. C'est cette maison. J'ai tout de suite dit à votre père qu'il ne voulait pas me croire. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? Il dort. Kate, refais ce que tu faisais. Monsieur Splitfoot, trois coups. Est-ce que c'est un être humain qui fait ce bruit ? Est-ce un esprit ? Si tu es un esprit, compte deux coups. Esprit. Es-tu l'esprit d'un mort ? Es-tu l'esprit de quelqu'un qui a été tué ici dans cette maison ? Est-ce que la personne qui t'a tué est toujours vivante ? Par ce moyen extraordinaire, Margaret en apprend davantage sur son fantôme. Il s'agit de l'esprit de Charles Rosna, un représentant de commerce qui aurait été assassiné 5 ans plus tôt dans cette maison et dont le corps serait enterré à la cave. Très effrayée au début, la mère de famille devient bientôt la meilleure ambassadrice de l'esprit auprès des voisins, qui ne tardent pas à envahir la maison. Bien que la plupart viennent pour démasquer une supercherie, l'esprit sait rapidement les convaincre. Il sait répondre aux questions avec précision et fait preuve d'une surprenante connaissance de la petite communauté. Très vite, au cours des jours qui viennent, on acquiert une première certitude, il ne se manifeste étrangement que lorsque les sœurs Fox sont présentes. Personne, semble-t-il, ne songe alors à questionner les deux jeunes filles. En inventant cette technique de communication, la famille Fox vient de créer le spiritisme. C'est la première fois dans l'histoire du monde occidental qu'on dialogue de cette manière avec l'esprit d'un mort. L'engouement pour ce nouveau passe-temps va bientôt se répandre dans la population comme une traînée de poudre. Extraordinaire. Depuis que nous avons montré aux voisins comment parler avec Monsieur Splitfoot, ils ne quittent plus la maison. Il y a ceux qui veulent avoir des réponses sur la mort et le paradis, sur Dieu, sur l'âme. Hier, papa a creusé dans la cave avec les voisins pour trouver le corps du représentant. Ils ont dû s'arrêter parce que l'eau a tout envahi. Il faudra recommencer au printemps. Je suis sûre qu'ils trouveront quelque chose. Et maman est toute fière, elle présente son esprit à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ri en la voyant avec Cathy? On s'ennuie plus. La sœur aînée, Lee Fox, qui vit à Rochester, ayant appris que ses petites sœurs étaient au cœur d'une affaire mystérieuse, se précipite à Hydesville. Connaissant la naïveté de sa mère, Lee soupçonne une mauvaise plaisanterie de la part de Maggie et de Kate. Elle-même n'est pas du genre à s'en laisser compter. À 34 ans, divorcée, cette femme remarquablement indépendante élève seule sa fille unique, Maggie, en donnant des cours de piano. Descends, s'il te plaît. Pourquoi? Ta grande sœur est là. Lee. Bonjour, Maggie chérie. Comme tu es belle, tu deviens une vraie femme, dis donc. Tu vas rester un peu? Oui, quelques jours au moins. T'es venue à cause de notre fantôme? Oui, je me suis inquiétée pour vous. On parle de vous jusqu'à Rochester. On va tout te raconter. Assieds-toi, ma chérie. Tu veux un thé? Je vais faire le thé. Maggie va faire le thé. Tu veux bien? Tu as vu ta sœur? Elle a disparu dans l'après-midi. Je sais pas. Garde un œil sur elle, d'accord? J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Les filles sont terrifiées par cette histoire de fantôme. Bien sûr. Tu sais, c'est beaucoup pour elles ce qui leur arrive. C'est encore juste des enfants. Elles sont pas prêtes. Prêtes à quoi? Les voisins disent que c'est des médiums. Qu'est-ce que c'est, médium? C'est parce qu'on s'est rendu compte que l'esprit ne frappe que quand elles sont là. C'est elles qui l'attirent. Tu vois, si elles sont pas là, il se passe rien. D'accord. Du coup, les voisins viennent tout le temps chercher les filles pour qu'elles posent leurs questions aux esprits. Et tu trouves pas ça bizarre, maman? Mais oui, c'est très étrange. L'esprit les suit. Quand nous sommes allés nous réfugier chez le voisin, il nous a suivis jusque là-bas. Mais t'as demandé aux filles ce qu'elles en pensaient? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois pas qu'elles vous font une vilaine blague? Les filles? Jamais de la vie. Si tu les avais vues. Ouais. Ah non, une mauvaise blague impossible. Les petites sont sincères. Nous avons passé des nuits effroyables, serrés tous ensemble sans fermer l'œil. Des coups dans tous les sens, mais pas que. Des meubles qui s'envolent, des portes qui claquent. Oh. L'esprit m'a même touché. Mais tu l'as vraiment senti? Mais oui. Et l'esprit peut être violent. Une fois, il a donné une claque si forte à Kate que la pauvre petite est tombée évanouie. Oh mon Dieu. Heureusement que les filles ont découvert comment discuter avec lui. Ça l'a un peu calmé. Mais sinon, non, c'était vraiment... C'est pas une mauvaise blague, ça c'est sûr. Si seulement. Et que dit papa? Ton père, tu sais, il est tout le temps dehors. Il n'y a que la religion qui l'intéresse. Maman, tu voudrais bien me laisser un peu avec les filles? Je voudrais en parler avec elles. Bien sûr, ma chérie. Elles vont être contentes de te voir un peu. Que se dit-il lors de cette réunion à huis clos des trois sœurs? Quel est alors l'état d'esprit de Lee? Fascination, méfiance, inquiétude? Quoi qu'il en soit, la grande sœur s'improvise bientôt tutrice des deux jeunes filles. A-t-elle perçu le formidable potentiel du spiritisme naissant? Ou souhaite-t-elle juste venir en aide à sa famille et prendre le rôle de l'adulte responsable qu'aucun des deux parents ne semble capable de tenir? Pour s'éloigner de la maison hantée de Hydesville, les quatre femmes s'installent à Rochester. Lee loue une nouvelle maison digne des cérémonies qu'elle compte bien y organiser. Bientôt, l'extraordinaire pouvoir des deux jeunes médiums se transmet à leur sœur aînée, qui entre elle-même en relation avec les esprits. les États-Unis traversent alors une période d'effervescence religieuse qui a gardé le nom de Second Grand Réveil, dans la région ouest de l'État de New York, qualifiée par les commentateurs de l'époque de « Burned Over District », les sectes protestantes élèvent le niveau de religiosité à une telle intensité qu'on les compare à un feu brûlant. C'est là que prospèrent par exemple les Shakers, un mouvement puritain fondé au début du XVIIIe siècle qui vit en autarcie et pour qui la procréation est interdite. Il n'est pas étonnant dans ce contexte que la découverte des sœurs Fox rencontre rapidement un très large public. Kate ? Kate ! Regarde, je me suis acheté une nouvelle robe. Pas mal, non ? Très belle. Il y a un joli magasin dans la rue, j'adore tout ce qu'ils font. C'est Ellie qui t'a donné l'argent ? Non, c'est l'autre jour, pendant une séance, un monsieur qui a absolument voulu me donner quelque chose. Je croyais que Lee disait qu'on n'acceptait pas d'argent. Bon, j'y peux rien, moi, il voulait me le donner. Et puis mêle-toi de tes affaires. Tu fais quoi ? Rien, je faisais une sieste. T'es fatiguée ? J'ai mal à la tête. Hier, on s'est couché très tard. Ce matin, j'ai dû me lever pour ma leçon. Tout à l'heure, il y a un nouveau groupe qui vient. Mais t'es pas contente quand même, on a la belle vie. On peut dormir quand on veut, les gens viennent nous voir de partout. Lee dit que si ça continue, on va vraiment devenir célèbre. Je sais pas. J'aimerais bien rentrer, je crois. Rentrer ? À Hydesville ? Oui. Avec maman et papa. Hein ? C'est quoi l'idée ? On va vivre avec Lee maintenant ? Lee s'occupe de nous. Tu sais qu'elle a loué le Corinthian Hall pour demain soir ? Pourquoi faire ? Comme les esprits ont demandé, ils veulent qu'on fasse une grande démonstration en public pour faire grandir le mouvement. Oh non. Ça va être incroyable, Katie. Il y a plein de gens qui nous détestent, on va se faire attaquer. Tu sais, l'autre jour, il y avait ce type, ce pasteur, il m'a attrapé. J'ai cru qu'il allait me frapper. On sera pas seuls. Et puis, il faut qu'on en parle le plus possible. Il y a plein de gens qui nous soutiennent. Je sais pas, Maggie. C'est fait, de toute façon. La salle est louée. Lee a dit que tu n'es pas obligée de participer si tu n'as pas envie. Depuis qu'elles sont à Rochester, les séances des sœurs Fox attirent un public de plus en plus nombreux et respectable. La curiosité pique de nombreux juges, scientifiques, hommes politiques, si la plupart sont d'abord sceptiques, face à leur incapacité à expliquer le phénomène, ils repartent souvent convaincus. Les trois sœurs, décrites par tous comme simples, agréables et discrètes, achèvent de les conquérir. Et, dit-on, la beauté mystérieuse de la plus jeune, Kate, n'y serait pas pour rien. Elles reçoivent leurs invités dans leur salon, en petit nombre, s'assoient en cercle, puis se mettent à transmettre les questions des invités à l'esprit, de la façon la plus naturelle du monde. Celui-ci répond sous forme de coups, déplace parfois des meubles ou entre en contact physique avec les invités. Ma robe, mes chaussures... Ah, le chapeau. Ah, saleté d'épingle. J'ai le trac. Du rouge. Non, pas de rouge, naturel. Vraiment le trac. On dit qu'il y aura beaucoup de monde ce soir. Du beau monde. Peut-être de beaux gentlemen. Un amoureux pour Miss Maggie. Un peu de rouge alors. Non. Lee a dit d'être simple et nature. Lee, elle n'était pas obligée de programmer 4 soirs de suite. Toujours plus, toujours plus grand. Bon, Kate est chez des amis, au moins je suis tranquille pour elle. Oh, j'ai un de ces tracks. J'espère que les esprits seront là ce soir. Qu'ils seront drôles. Pourvu que les gens posent des questions intéressantes et pas toujours les mêmes bêtises. Novembre 1848. Les 4 soirées au Corinthian Hall marquent le début de la renommée des sœurs Fox. Pour la première fois, Lee fait payer l'entrée. 25 cents. Sur scène, Lee, Maggie et des amis spirites. La soirée attire un immense public. Beaucoup sont venus pour essayer de dévoiler enfin le mystérieux secret des sœurs Fox. Malgré cela, dès les premiers coups frappés au plafond, au mur, sur le plancher de cette somptueuse salle de spectacle, l'effet est sidérant. D'où peuvent bien provenir ces sons surnaturels ? Le triomphe des jeunes femmes est presque complet. Seuls quelques mécontents continuent à crier au charlatanisme. Ils imposent à Maggie et à Lee une enquête minutieuse pour essayer de trouver leur truc. Pendant 3 jours, elles sont examinées à huis clos. Kate, t'es déjà rentrée. Tu pourrais dire bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais ? Du dessin. Oh, joli. C'est qui ça ? C'est moi ? Ouais. Et là, c'est Lee, au Corinthian Hall ? Ouais. C'est Monsieur Splitfoot qui m'a guidée. Incroyable, tu dessines bien. J'ai découvert ce nouveau truc. Je fais le vide dans ma tête et c'est lui qui dessine à ma place. Super. On pourra essayer ça ce soir. Carrément. Alors, c'était comment ces soirées? Ouf. Ils ont été durs ces types, quand ils vous ont examiné. Comment tu sais? C'est Monsieur Splitfoot qui me l'a dit. Ah. Bah oui, ils ont été grossiers. Ils nous ont même obligés à nous déshabiller. Hein? Pas devant eux, devant des femmes, mais qui étaient aussi brutales qu'eux. J'ai pleuré. Même Lee a pleuré. Mais à la fin, on a gagné. Tu m'en veux pas trop de pas être venue? Bon, non. Je suis contente qu'il t'ait pas touchée. Merci, Maggie. C'est comme ça, hein, s'il faut en passer par là, moi ça ne me dérange pas plus que ça. T'aimes bien quand je me coiffe les cheveux comme ça? Oui, c'est très joli. Chère maman, je te remercie pour ta lettre. Ne t'inquiète pas, tout va bien ici. Tu as eu raison de retourner à Hydesville. Papa avait besoin de toi et Lee prend bien soin de nous. Nous avons de plus en plus de succès. Lee souhaite que nous partions en tournée dans tout le pays et même jusqu'à New York. Je suis très contente. J'aime beaucoup voyager. Kate aussi est très heureuse, même si elle a beaucoup de migraines. Je t'envoie un peu d'argent avec cette lettre. Nous gagnons bien notre vie maintenant. Prends soin de toi, petite maman. Ta Maggie. Dès le début des années 1850, le nombre d'adeptes du spiritisme grimpe en flèche. Rien que dans la ville de New York, on l'estime à plusieurs dizaines de milliers de convertis. Les médiums, eux aussi, ont fait leur apparition, introduisant des variations aux découvertes des sœurs Fox. Nuées phosphorescentes, musique céleste, écriture automatique. Partout aux États-Unis et en Europe, on se passionne pour ces nouveaux phénomènes. À Rochester, les affaires marchent bien pour les sœurs Fox, qui s'installent progressivement dans une nouvelle vie nomade, faite de tournées et de chambres d'hôtel. À la fin de l'année 1852, une séance à Philadelphie attire un nouveau curieux, Elisha Kent Kane, un homme de 32 ans, séduisant et célibataire. C'est aussi un célèbre explorateur de l'Arctique. En 1850, il a fait partie d'une expédition, très médiatisée, dans les mers gelées. Bien qu'il soupçonne immédiatement les jeunes médiums de tromperie, il est très attiré par Maggie, qui a désormais 19 ans. Son intelligence, sa renommée, et peut-être un positionnement non conventionnel qui lui rappelle le sien, après tout, tous deux sont des explorateurs, lui rend la jeune fille très vite indispensable. Ma chère Maggie, j'ai bien reçu votre excellente lettre et c'est peu de dire qu'elle m'a charmée. Je suis heureux de découvrir que vous écrivez si bien. Vous avez de l'intelligence, ma chère petite, bien plus que je ne l'imaginais. Vous étiez splendide hier soir. Cette robe de soie bleue vous met merveilleusement en valeur. Mais je n'aime pas beaucoup votre nouveau chapeau. Ah, si seulement vous me laissiez vous guider. Je vous donnerais tous les conseils dont une jeune femme comme vous a besoin. Vous ne connaissez rien du monde. Vous ne savez pas à quel point il peut être cruel. Mais vous ne vous intéressez que très peu à votre cher ami. Vous êtes déjà entouré de courtisans qui viennent à vos séances uniquement pour le plaisir de vous frôler la main. Adieu, chère Maggie. Je vous écrirai pendant des jours. Adieu, chère Maggie. Votre Elisha. Je vous écrirai pendant des jours, votre Elisha. Maggie? Ah Maggie? Oui? Tu es prête? On t'attend? Oui, je mets juste mon chapeau. T'as encore reçu une lettre de Kane? Mais non, pourquoi? T'es toute rouge. Pas du tout, je suis pas toute rouge. D'ailleurs, je m'en fiche de lui. Il continue à t'écrire et à venir te voir, c'est ça? Et alors? Et alors quoi? Tu crois qu'il vient pour les esprits, peut-être? Il y croit pas. Il vient pour te voir. Et tu ne dois pas faire de bêtises, tu le sais? Je fais ni bêtises ni rien du tout et je suis pas une enfant. Maggie. Laisse-moi. Je suis obligée de t'en parler parce que c'est pas maman qui va le faire. Tu sais pourquoi il faut faire attention? Quoi? Est-ce que tu le sais? Pourquoi nous, les femmes, nous devons faire très attention? Pour ne pas tomber enceinte? Avant ça, idiote. Ta réputation. Si les gens savent que tu vois un homme sans être marié, c'est fini. Tout est fini. Mais pourquoi? Les séances, les voyages, fini. Plus personne ne voudra t'écouter. Tu as déjà vu comme les femmes sont jalouses pour leur mari? Mais Lish a dit qu'il voulait m'épouser. Il ne t'épousera pas. Sa famille ne voudra jamais. Les hommes comme lui n'épousent pas des filles comme toi. Va-t'en, je veux plus t'entendre. Chère Maggie, cela fait bien longtemps que vous ne m'avez pas écrit. Comme j'attends vos lettres, comme je me languis de vous. Je vous imagine très occupée, très entourée d'hommes dont je doute de l'honnêteté. Ah, quel gâchis, chère Maggie, de passer votre temps entourée de fanatiques et d'escrocs. Quel dommage qu'au lieu d'une véritable éducation, vous consacriez votre vie au mensonge et à l'artifice. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, chère Maggie. Vous êtes diablement rusée, mais j'ai tout de suite deviné que vous et vos sœurs étaient les vrais auteurs de ces bruits. Si je pouvais vous faire quitter cette vie, Maggie, et vous procurer enfin une véritable éducation qui ferait de vous une jeune femme respectable, si je le pouvais, je serais le plus heureux des hommes. Comme j'aimerais que vous m'écoutiez enfin. Ça va, Maggie? T'as la migraine? Ouais. Tu veux qu'on annule la séance de ce soir? J'ai plus du tout envie de faire des séances, ni de voir tous ces imbéciles. Moi aussi, je veux bien qu'on annule. Je suis fatiguée. On va quand même pas faire ça toute notre vie. Tu préférerais la ferme? Ou l'usine? Les filles des voisins à Heightsville, c'est là qu'elles ont fini. Alors? Il va t'épouser, Kane? Oui, il a promis. Et si tu te maries avec lui, t'arrêtes les esprits? Je sais pas, peut-être. C'est lui qui te demande? Pourquoi tu dis ça? C'est Lee qui t'en a parlé? Non, parce que ça se voit, il déteste les esprits. Il est jaloux. Il n'aime pas que je sois avec d'autres hommes. Mais t'arrêterais pour lui, alors? Je sais pas, Katie. J'aimerais bien me marier, oui, et être un peu tranquille. Les gens comptent tellement sur nous. On leur fait du bien. Regarde Amy, l'amie de maman. Est-ce qu'on lui fait vraiment du bien? Elle parle avec sa fille, grâce à nous, depuis 2 ans. Si on arrête, c'est comme si sa fille mourait une deuxième fois. Tout le monde s'en fiche de nous dans cette histoire. T'exagères. Les gens t'adorent. Oui, mais qui se demande de quoi j'ai vraiment besoin, moi? Quand est-ce qu'on pourra redevenir un peu nous-mêmes? Je croyais que t'aimais bien. Quoi? Le spectacle, le côté théâtre. Je trouve ça de plus en plus faux. La fête, les hommes, l'alcool. Toi aussi, je t'ai vu avec un verre ou deux. Papa serait pas content. C'est la seule chose qui me détend après une séance. De toute façon, c'est bientôt fini. Dès que je suis mariée, j'arrête tout ça. Et l'Antarctique? Il n'était pas censé partir en Antarctique, ton explorateur? Il part que dans 1 mois. Et tu penses qu'il va t'épouser avant? Si c'est pas avant, ce sera après. Maggie, Kate, vous êtes prêtes? Où êtes-vous? Laisse-nous, Lee, on a décidé qu'on ferait pas de séance ce soir. Pardon? On est fatigués. Fatigués? Vous croyez que vous avez le temps d'être fatiguée? Maggie a la migraine. Maggie ferait bien de penser un peu moins à elle et un peu plus à notre affaire. Si vous annulez ce soir, on perd des centaines de dollars. On s'en fiche. On veut arrêter. Toi, ma grande, tu crois que ton séducteur va t'épouser, que tu pourrais être bien tranquille, mais tu devrais faire bien attention. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Sorcière. Et tu ferais bien d'arrêter de parader avec lui comme une bourgeoise. T'es jalouse? Les gens commencent à parler. Bon. Je dis ça pour toi. Bon, arrêtez là. Allez, viens, Maggie, on va se préparer. Ma chère Maggie, vous m'écrivez que vous pensez beaucoup à moi, mais que je reste un mystère pour vous. Je crois qu'au contraire, vous me comprenez très bien. Vous savez que je ne suis qu'un homme faible. Vous avez tout pouvoir sur moi, Maggie. Je ferai tout pour vous comme l'ami le plus dévoué. Mais vous ne devez pas trop penser à moi, chère petite. Ce n'est pas bon. Vous ne devez pas parler de mariage, ni même y penser. Vous vous rendez bien compte que notre différence d'âge et de statut social rend toute alliance entre nous impossible. Ne pensez pas tant à moi, chère Maggie. Bien que je vous aime de tout mon cœur, vous savez que nous poursuivrons bientôt chacun notre route. Deux routes qui nous éloignent l'un de l'autre. Ce petit manège se poursuit pendant de longs mois. Très attiré par Maggie, Kane tarde à s'engager auprès d'elle. Sa famille s'oppose formellement à ce qu'il épouse une femme à la réputation aussi douteuse. Finalement, c'est en secret de sa famille, devant un très petit nombre de témoins, qu'il se marie avec elle juste avant son départ pour le Grand Nord. Un mariage non officiel, mais qui satisfait Maggie. Leur histoire tourne à la tragédie lorsque l'expédition de Kane se retrouve coincée dans les glaces. Partie de New York le 31 mai 1853, les marins ne sont de retour que 2 ans plus tard, à l'issue d'une marche éprouvante de 83 jours dans la neige. Très affaibli par le voyage, Kane meurt brutalement au début de l'année 1856. Bien sûr, Maggie l'a attendue pendant tout ce temps. La nouvelle de sa mort tombe sur elle comme une douche froide. Maggie. Comment vas-tu? Bien. Tu m'embrasses pas? Je t'avais dit que j'avais pas besoin qu'on vienne me voir. Maman s'inquiétait pour toi, Maggie. Je vais bien. As-tu besoin de quelque chose? D'un peu d'argent? Elisha m'a laissé un héritage. Mais sa famille refuse de reconnaître le mariage. Ils me donneront cet argent. S'ils ne le font pas, je publierai les lettres de Lish. Ce serait pas très bien pour ta réputation. Je m'en fiche. Et vos séances? Tout va bien? Quoi? Maggie veut plus appeler les esprits. Je dois bien ça à mon mari. Mais les esprits... Tu n'y crois plus? Quand Lish est mort, je suis allée dans les cimetières. Toutes les nuits, je me suis assise à la même tombe et j'ai écouté. J'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Il ne s'est rien passé. Rien. Les morts ne reviennent pas. C'est des mensonges tout ça, maman. Mais... Que dit Lee? Quoi? Lee et Maggie ne se parlent plus. Mais qui s'occupe de vous? On n'est plus des enfants. Et toi, ma petite Kate? Je continue les séances toute seule. Mais ça va. Ça va, ça se passe bien. Maggie, tu voudrais pas rentrer avec nous à Hydesville? Passer un peu de temps avec ton père? On pourrait te trouver un travail. Je déteste Hydesville. Je ne retournerai jamais là-bas. Oh, ma chérie. Bientôt, Lee rencontre un riche homme d'affaires, Daniel Underhill. Elle accède à la vie bourgeoise dont rêvait Maggie. Les relations entre elle et ses sœurs, moins favorisées par le destin, se dégradent de plus en plus. Par nécessité, Maggie reprend finalement les séances de spiritisme à contre-cœur. En 1865, les parents Fox meurent coup sur coup. Maggie et Kate se retrouvent entièrement seules. Elles tombent dans le piège de l'alcoolisme. La vie devient très difficile pour les sœurs Fox, qui, de mésaventure en mésaventure, terminent leur carrière dans la misère et l'oubli. Le dernier chapitre de cette histoire se déroule en octobre 1888. Les sœurs Fox sont alors 51 et 55 ans. Maggie convie le public à une ultime grande réunion publique à l'Académie de musique de New York. Elle veut enfin révéler la vérité sur le spiritisme. Dans la salle, le public est agité. Il y a des spirites importants, des fidèles de la première heure, mais aussi les ennemis du mouvement qui jubilent. Maggie se tient seule sur scène, une femme d'âge mûr, abîmée par la vie. Je suis venue ce soir, car je suis l'une des fondatrices du spiritisme. C'est à ce titre que je voudrais dénoncer le caractère frauduleux de ce mouvement. C'est un mensonge du début à la fin. Une superstition ridicule. C'est le pire blasphème que le monde ait connu à ce jour. Si je fais cette déclaration, c'est parce que je souhaite voir le spiritisme anéanti. Et voilà, ils crient, ils s'indignent. Ils savent aussi bien que moi. Ils savent très bien qu'ils ne sont que des charlatans. Des ordures, avec leur poudre phosphorescente et leurs complices. Mais ma petite Kate est là. Elle me soutient. Elle aussi, elle veut sortir du mensonge. Pauvre Cathy. Comme j'aurais aimé qu'elle ait une vie meilleure. C'est pour toi que je fais ça, ma petite sœur. Pour que tu puisses te sauver. Même si, peut-être, tu étais plus sincère que moi. Peut-être que toi... Tu as vraiment entendu quelque chose? Quand tout cela a commencé, ma sœur et moi n'étions que des enfants. Nous ne voulions que nous amuser un peu et faire peur à notre mère. Mère était une femme crédule. Au moment d'aller se coucher, nous attachions une pomme au bout d'une ficelle et tirions la ficelle de haut en bas. La pomme tombait sur le sol, rebondissait, se cognait contre les parois et faisait des bruits étranges. Mère écoutait ces bruits avec effroi. Elle n'imaginait pas que nous puissions en être à l'origine car nous étions si jeunes. Quand mère a commencé à en parler aux voisins, notre vilain tour a pris une dimension nouvelle. Nous avons découvert un nouveau moyen de produire ce bruit. Je vais enlever ma chaussure et vous comprendrez. Regardez mon pied. C'est Kate qui a découvert ce moyen très simple. Elle pouvait produire des sons avec les articulations de ses doigts et de ses orteils. Les coups ne sont que le résultat d'un contrôle parfait des muscles de la jambe sous le genou qui dirige les tendons du pied. Le mouvement que cela produit dans le pied et la cheville est peu connu. Voilà. Les esprits, c'est ça. Mon pied et mes orteils qui craquent. Il n'y a pas de vie après la mort. Le spiritisme est un mensonge. Voilà, Ali, ma vengeance. Pour toutes les fois où tu as fait passer ton intérêt avant le nôtre. Pour la manière dont tu as abusé de nous quand nous étions enfants. Pour nos vies gâchées. Les sœurs Fox et l'invention du spiritisme de Camille Azaïs, avec Maggie Fox, Hélène Morelli, Kate Fox, Suzanne Aubert, Margaret Fox, Virginie Colmain, Lee Fox, Florence Janas, Lee Schkein, Léo Antonin Lutinier. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Mathieu Leroux et Jason Taous, assistante à la réalisation Clémence Bûcher, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur les sœurs Fox et le spiritisme avec mon invité Guillaume Cuchet. Parks, Green Eyes sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Benjamin Troncin. Guillaume Cuchet, l'histoire des sœurs Fox se termine de manière assez pathétique, triste. Elles ont été manipulées par leur grande sœur, trimballées un peu partout comme des bêtes de foire, et dans un monde où les jeunes filles doivent se marier, bien, elles ont été un peu marginalisées, les pauvres. Mais tout de même, bon, elles ont quand même eu un certain talent, il faut le reconnaître. Parce que bon, au départ, c'était une blague de petite fille, et puis c'est devenu, elles sont devenues quand même des charlatans à grande échelle. Il faut leur reconnaître ce talent, malgré tout. Oui, alors quand on regarde dans le détail, qu'on regarde les sources de l'époque, les, mm-hmm. les premiers témoignages sur les événements, on s'aperçoit qu'au début, elles ne sont pas centrales du tout. Au début, c'est vraiment la petite ville, de ce village, cette communauté rurale qui commente les événements. Et les premiers témoignages parlent à peine des sœurs Fox. Et c'est progressivement qu'elles vont devenir les personnages principaux de cette affaire. Et c'est de l'heure qu'elles vont quitter Hydesville et aller à Rochester, puis ensuite avoir des relations à New York, que le phénomène va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et elles se sont emparées, au fond, d'un phénomène qui, au départ, est une sorte de co-création collective, communautaire, à base de fantômes et de maisons hantées. Il y en a dans toutes les collectivités, des fantômes et des maisons hantées, ou presque. Mais là, ça prend tout à coup des proportions inédites. Est-ce qu'un siècle plus tôt, ou à la fin du XVIIe siècle, on ne les aurait pas prises pour des sorcières? Je pense, par exemple, évidemment, aux sorcières de Salem. Bon, de voir des femmes comme ça qui parlent avec les morts, bon, elles ne parlent pas avec le diable, mais c'est quand même un peu inquiétant. Non, comment la religion, finalement, a réagi face à ça? Oui, oui, et on sent bien dans la reconstitution qu'effectivement elles ont des ennuis avec les pasteurs, avec les représentants du protestantisme orthodoxe en quelque sorte, qui voient d'un très mauvais œil la communication avec les morts et cette pratique. Sans doute que la liberté de conscience qui règne aux États-Unis a permis, la presse aussi, qui joue un rôle très important dans la diffusion du phénomène, parce que très vite des journalistes arrivent, il y a des journaux déjà dans toutes ces petites villes des alentours. Et la presse s'empare du sujet et elle joue un rôle très ambivalent parce qu'à la fois on n'y croit pas, c'est une blague, c'est un humbug comme on disait, et en même temps on en parle. Et comme on en parle et que c'est pas absolument clair, il y a une sorte de zone grise un peu intermédiaire entre l'incrédulité et la foi à l'intérieur de laquelle prospère le phénomène. Et donc, je crois que le rôle de la presse, les querelles religieuses d'époque entre protestants orthodoxes et mouvements religieux hétérodoxes, tous les débats religieux de l'époque remontent à travers le phénomène. Donc le phénomène se développe, et il y aura d'autres médiums, comme on dit. Il y a beaucoup de femmes aussi au début de cette histoire du spiritisme, beaucoup de femmes jeunes d'ailleurs. Comment l'expliquer ? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Certains ont voulu y voir un moyen pour les femmes qui n'avaient pas accès à la parole publique de prendre la parole, justement, en public, de développer des thèses, y compris religieuses ou philosophiques, là où on les attendait peu. C'est une sorte de phénomène de libération par la table, en quelque sorte, ou de moyen de prendre la parole. C'est souvent les jeunes filles, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui fournissent les voyants, hein, quel que soit. Pensez à la même époque, les apparitions de Lourdes, de Bernadette au bureau, 1858, les voyants de la Salette dans les Alpes, 1846, c'est la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est souvent des enfants et des jeunes filles qui fournissent les témoins et les acteurs de ces mouvements. Donc au début, ce sont surtout des jeunes femmes, mais au fur et à mesure que le mouvement va s'agrandir et peut-être se théoriser, des hommes prennent le relais. Par exemple, aux États-Unis, Andrew Jackson Davis, ou en France, il y aura Allan Kardec. Est-ce qu'à un moment, ça prend une telle ampleur que le mouvement se théorise ? Oui, le mouvement se diffuse géographiquement et puis il évolue, il se modifie. Il est évident qu'à partir du moment où on part du principe qu'on parle avec les morts ou avec les esprits, on se met à leur poser des questions, il faut bien qu'ils répondent quelque chose. Donc on leur pose des questions sur l'au-delà, sur ce qui se passe après la mort. Et très vite, on est un peu au bout de notre savoir dans ce domaine. Et du coup, il y a des tas de théories plus ou moins hétérodoxes qui circulaient dans des milieux assez étroits, très confidentiels, qui n'intéressaient pas grand monde, qui vont trouver, par le biais du spiritisme, le moyen de toucher un public beaucoup plus large. Les esprits vont se mettre à raconter des tas de choses sur l'au-delà, des choses qui existaient déjà, au fond, qui dormaient un peu dans les bibliothèques, mais qui trouvent là un moyen populaire de diffusion. Et ça effectivement, ça permet d'élargir l'assise du phénomène. Et à partir de quand on utilise le mot de spiritisme ? En anglais, c'est spiritualism. Voilà, c'est ça, c'est effectivement un point intéressant. C'est qu'en anglais, on parle de spiritualism, et si on traduit en français spiritualisme, ça ne marche pas très bien, parce que le spiritualisme, c'est au fond la doctrine officielle de l'université en France au 19e siècle. C'est l'idée que les hommes ont une âme, que Dieu existe et qu'il a un certain nombre d'attributs qu'on peut décrire, quelles que soient les religions elles-mêmes. Donc, quand le phénomène est arrivé en Europe et en France, on l'a retraduit et on a inventé en français le terme spiritisme. Et c'est ce personnage que vous évoquiez, Allan Kardec, qui est un Lyonnais d'origine, qui va forger le terme précisément pour le distinguer du spiritualisme. Le spiritualisme, c'est une doctrine philosophique très officielle. Le spiritisme, c'est au fond des gens qui sont philosophiquement des spiritualistes, ils croient à Dieu, ils croient à l'âme, mais qui pensent qu'on peut communiquer avec les morts. C'est ça la particularité. Mmh. Et du coup, le terme a fini par revenir aux États-Unis en le traduisant du français « spiritism », pour précisément, là encore, faire la différence entre spiritualisme et spiritisme. Donc le pic de la popularité du spiritisme, c'est entre 1840 et 1920. Et on peut dire avec ça. Une expansion aux États-Unis, au monde ça, ça devient vraiment très répandu vers 1850, 1851. À ce moment-là, toute la presse en parle. Les Européens commencent à découvrir ça parce qu'ils voient que la presse américaine en parle. Ils lisent la presse américaine. Oui. Ils pensent que c'est une sorte de plaisanterie de Yankees qu'on leur envie pas. On n'imagine pas un seul instant que ça pourrait débarquer en Europe à ce moment-là. Mais ça se généralise sur place. Ça marche plutôt dans l'est des États-Unis, un peu moins dans l'ouest, sur la frontière, et pas bien au sud. Le sud est plus conservateur, à un protestantisme plus évangélique, plus orthodoxe, et ça prend assez peu au sud. D'ailleurs, aussi pour la raison que beaucoup de ces premiers spirites américains sont des abolitionnistes, sont des gens qui sont pour l'abolition de l'esclavage. C'est au fond la gauche américaine hein, qui est plutôt spirite. Le mouvement donc s'exporte en Europe, notamment dans les années 1850-1860. On dit que le spiritisme, c'est une des premières modes universelles qui arriverait des États-Unis. C'est étonnant. Oui, moi j'avais écrit ça autrefois, c'est un des tout premiers américanismes de la culture européenne. C'est-à-dire qu'au même moment, on venait de se passionner pour un livre qui était La case de l'oncle Tom, on retrouve le problème de l'esclavage, d'Harriet Beecher Stowe, qui est à peu près contemporain. Et c'est le premier livre américain qui passionne le monde entier, enfin le monde occidental, nord-atlantique. Et du coup, effectivement, les États-Unis commencent à nous envoyer un certain nombre de phénomènes nouveaux. Mais c'est d'ailleurs à peu près contemporain du voyage de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Hein. Tocqueville, c'est 1835-1840. Tocqueville, c'est le premier qui comprend que si on veut savoir ce qui va se passer chez nous demain ou après-demain, il faut aller aux États-Unis, traverser l'Atlantique. Parce que comme ils ont un coup d'avance, on peut voir sur place ce qui va nous arriver bientôt. On n'a pas besoin des tables tournantes pour ça. Je ne sais pas ce qu'il a pensé du spiritisme lui-même, sans doute le plus grand mal, parce qu'il a connu ça. Hein. Il est mort probablement, après. Probablement, ouais. Donc ça arrive en Europe, en gros, en 1853. On peut le suivre presque jour par jour. Hein. On le voit bien, ça arrive par des bateaux à vapeur qui traversent l'Atlantique à l'époque. Et ça arrive par l'Allemagne, surtout, par Brême et Hambourg, qui sont les deux grands ports d'émigration européens. Et puis ça arrive par l'Angleterre. Et ça va être un phénomène de mode incroyable, ce qu'on va appeler la... Avec, bien sûr, Victor Hugo qui fera tourner les tables à Guernesey. Voilà, le plus dans connu, ses grandes soirées Hugo, d'ennui. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout bien le monde sûr. Fait tourner les tables, ça passionne absolument tout le monde. Surtout dans l'hiver 53-54. On peut faire l'essai, hein, prendre une correspondance, n'importe laquelle, de l'hiver 1853-1854. Vous avez de fortes chances de tomber sur des tourneurs de tables. Parce que c'est justement la pratique qui va exporter le phénomène, c'est les tables tournantes. L'idée qu'il suffit de se mettre autour d'une table, de se toucher les doigts et de faire passer le fluide. Et c'est une expérience de physique amusante et ça débouche sur la communication avec les esprits. Ça va être le moyen de l'exportation en quelque sorte. Merci beaucoup Guillaume Cuchet de nous avoir rappelé cette histoire. Vous êtes l'auteur de Les Voix d'Outre-Tombe, table tournante, spiritisme et société au XIXe siècle, publié au Seuil en 2012. Et plus récemment, Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, paru aux éditions du Cerf en 2020. Je signale également une BD, Les Sœurs Fox, de Philippe Charlot et Grégory Charlet en deux volumes, édité chez Bambou. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous serons en 1906 en compagnie de Gertrude Stein, Pablo Picasso, Georges Braque, Guillaume Apollinaire, à l'époque où ces monstres sacrés de l'art moderne et de la littérature étaient des inconnus, quand Picasso et Braque, liés par une amitié qu'ils croyaient indéfectible, inventaient le cubisme. Stein, Picasso, Braque et l'invention du cubisme, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.